Mardi 8 octobre, bienvenue à l'aérospatiale Julie Gagné avec vous pour cette émission consacrée à l'univers des arts visuels. Cette semaine à l'émission, on discute avec Alexandre Berthier de son installation Un autre tremblement qui est présentée à l'établi. On accueille notre nouvelle collaboratrice Jean-Tiane Lafrance qui viendra nous parler de Marc Séguin, La foi du collectionneur, exposition qui est présentée à la maison Amel Bruno. Gabrielle Bouchard, organisatrice, co-organisatrice, disons, de la Foire en art actuelle de Québec, viendra nous parler de cette première édition qui aura lieu le 18, 19 et 20 octobre. Raymond Poirier viendra nous faire sa revue de presse et bien entendu, comme à chaque semaine, on aura les sélections audio de Simon Roy. Excusez-moi, Simon Roy qui est pas là cette semaine pour nous en parler. Donc, il nous a fait une sélection, c'est Secrets of the 45. Secrets of the 45 qui nous présente des paysages sonores incluant des field recordings, des sons glanés, des sons recyclés, qui fait des explorations autour de la musique concrète, qui travaille la sculpture sonore, la drone music, et qui a pour source d'inspiration l'art, les mythes, la religion, le folklore, la psychologie, l'occultisme et la littérature. Et tout de suite, on s'en met en oreille, on écoute un extrait de Golden Rod Blends sur les ondes de CKRL. C'était un extrait de l'album Verdant Peel de Secrets of the 45. D'ailleurs, vous pouvez trouver le lien pour le téléchargement des pièces de Simon Roy, les liens pour la revue de presse de Raymond Poirier que j'accueille. Bonjour. Bonjour Julie. Également, tout ce qui est balado diffusion, communiqué de presse sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. La plug est en fait. Je cède la parole à Raymond qui nous fait sa revue. Et des bonnes nouvelles en ce début de chronique, ma foi, pour le marché de l'art contemporain. Alors, on a fait une évaluation du côté de Art Price et semble-t-il qu'il ait progressé dans le monde de 15% en 2012-2013. Ça a dépassé le milliard d'euros pour la première fois d'ailleurs. Donc, c'est quand même pas rien. On présente ça d'ailleurs du côté d'Art Price comme un record historique. Alors, de juillet 2012 à la fin juin 2013, le produit des ventes d'art contemporain réalisé par des artistes qui sont nés après 1945 s'est établi donc à plus d'un milliard d'euros, donc 140 millions de plus que pour la période correspondante l'année précédente. Surtout dans une situation où, de manière générale, le marché de l'art mondial est en légère perte de vitesse. On en parlait au fil des interventions, d'ailleurs, au fil des derniers mois. Et parallèlement, dans un contexte où le monde se replace peut-être ou est toujours en crise financière, dans le fond, c'est pas encore extrêmement solide. Alors, ça montre, selon donc les gens d'Art Price, ben, d'un côté, la preuve de maturité du marché de l'art contemporain, le fait que de plus en plus de collectionneurs, d'investisseurs, d'institutions s'y intéressent. Pourquoi? Eh ben, parmi les raisons, on évoque notamment l'idée que l'art contemporain est le miroir de notre temps, qui parle davantage au public parce que plus accessible, peut-être moins élitiste que l'art moderne. Parallèlement, on mentionne aussi que l'art contemporain est en train peut-être de se placer comme un investissement, donc, et a réussi à faire son chemin, à faire sa place en ce sens. Donc, on le voit plus comme un investissement financier solide. Donc voilà. Cela dit, autre nouvelle, je suis tombé là-dessus en parcourant les sites d'associations muséales. C'est du côté du Royaume-Uni. Ils ont, à chaque année, en fait, ils font une espèce d'étude d'impact des coupes budgétaires dans les musées. Et c'est assez intéressant. Donc ça permet de voir, ben, qu'est-ce qui a été coupé et quel impact ça pourrait avoir. Dans ce cas-ci, on mentionne qu'au fil de l'année 2012-2013, on a coupé, il y a 50% des musées, en fait, qui ont fait des coupes. Et notamment là-dedans, c'est beaucoup le personnel qui a été coupé. Et ça amène une question de la part de l'association muséale qui dit, ben, est-ce qu'on est en train d'aller chercher une expertise à rabais? Dans la mesure où on remplace des gens, des travailleurs payés, rémunérés, qui ont été formés, qui ont étudié souvent dans le domaine dans lequel ils travaillent. Et bien souvent, ce qui arrive, c'est qu'on les remplace par des bénévoles qui sont certes chargés de bonnes intentions, mais qui n'ont pas nécessairement le même bagage d'expérience, ou sinon par des stagiaires qui permettent de faire le travail, qui ont, oui, un cadre de formation, mais qui sont là pour être formés, qui n'ont pas non plus l'expérience que certains employés qui étaient déjà en place avaient. Alors, c'est un peu, je dirais pas une sonnette d'alarme qu'on tire, mais une grosse question qu'on soulève. Un questionnement à continuer. Exactement, à poursuivre, en fait. Donc, est-ce qu'on est en train de changer un peu la valeur de la diffusion et de la vulgarisation, de la médiation qu'on peut offrir, donc en mettant de côté ce type d'expertise-là? Puis de briser aussi le lien entre les gens et l'art, là, à long terme, on ne sait pas les conséquences que ça peut avoir. Exactement. Alors, on s'en inquiète. Et on dit, ben regardez, il y a des coupes qui ont été faites, mais ce n'est pas nécessairement les meilleures coupes non plus. Mais en fait, idéalement, évidemment, il n'y aurait pas trop de coupes non plus, mais ça, c'est d'autres débats. Mais à tout le moins, on le met dans notre pile de dossiers à suivre, là, parce que je suis pas mal sûr qu'on va entendre parler de ça. Oui. Et parlant de dossiers à suivre et de réflexion, je suis tombé sur une entrevue, vous irez voir sur l'aérospatiale.wordpress.com pour l'article complet. C'est trois historiens de l'art, critiques, commissaires d'exposition en Europe qui viennent de publier des livres chez des maisons d'édition quand même assez viables. Albin Michel, Flammarion, Artritude également. Et le monde les a croisés, leur a posé exactement les mêmes questions sur la présentation d'exposition, sur l'état de la critique dans le monde actuel. Et leurs réponses sont quand même assez éclairantes d'une certaine manière. On évoque notamment sur les façons aujourd'hui dont on présente les expositions, la disparité peut-être entre les musées et les galeries. Donc l'idée, par exemple, pour l'un qu'on nous mentionne, que la disparité réside dans l'objet et la manière, le musée qui possède une vocation éducative, la galerie plus commerciale. Donc la notion d'attente du public, en fait, en galerie, on va là pour acheter des œuvres d'abord, au musée, on va là pour comprendre, apporter une connaissance de l'art, mais que justement, il y a une modification, si on peut dire, qui s'est observée du côté des galeries, où de plus en plus on laisse de côté une vocation de passeur vers une vocation plus commerciale, pour le meilleur ou pour le pire. D'autres, en fait, Renaud Farou, lui, mentionne que les expositions d'art contemporain il y a quelques années étaient conçues par des historiens de l'art, des artistes, des critiques, mais qu'éventuellement, en fait, il y a eu d'autres types de vocations qui sont imposées. On peut penser à des vocations presque archéologiques, la notion également de loisirs culturels qui éventuellement se serait implantée à l'intérieur de la diffusion des expositions. Donc, la question aussi dans la construction de ce type d'installation-là, est-ce qu'on cherche à plaire à trop de gens? Est-ce qu'on vise mal les publics? Est-ce qu'on est trop traditionnel dans nos manières d'accrocher? De quelle manière les scénographies évoluent aussi, évidemment, soulignant notamment qu'on y va de moins en moins vers des scénographies chronologiques, de plus en plus vers des approches thématiques au fil des dernières décennies, avec la critique média qui stagne, qui tend à malheureusement disparaître, on le voit d'ailleurs ici au Québec, qui tranquillement devient est remplacée par une critique plus érudite d'un côté, par une critique qui est peut-être plus liée aussi au domaine de l'édition, donc à l'intérieur de livres et d'ouvrages plus spécialisés, donc c'est là qu'on va retrouver la critique moderne. Est-ce que c'est un changement qui est positif, qui est négatif? Donc, quand même beaucoup de questions qui ressortent de cette entrevue-là. Donc, je trouvais ça important de la relayer. C'est en profonde mutation, oui. C'est ça qu'on retient. Et c'est des profondes mutations qui remontent pas d'hier non plus. Là. C'est des tendances qu'on observe progressivement depuis au moins les 30 dernières années. Là. Et sinon, j'ai mis deux clins d'œil aussi dans les liens. Je rentrerai pas en détail là-dessus. Simplement pour mentionner ces deux types d'installations que j'ai trouvées très intéressantes. Notamment à Paris, en fait, une installation qui s'appelle la Tour Paris 13. C'est essentiellement un immeuble désaffecté qui devait être mis à terre. Et plutôt, avant en fait de le mettre à terre, de s'en débarrasser, ils ont invité une centaine d'artistes de street art. Ils se sont dit, ben faites quelque chose, chacun. Et donc, ça a créé la plus grande exposition. Avec carte blanche. Et ça a créé la plus grande exposition de street art au monde. Il y a plusieurs pays qui sont représentés là-dedans. Donc, littéralement, un gratte-ciel qu'on a dit aux graffeurs, aux street artistes, allez-y, lancez-vous, amusez-vous. Et également, un autre truc qui a été fait, cette fois-ci au Canada, c'est un village, enfin, un projet qui s'appelle Landslide. Essentiellement, on a envoyé 30 artistes à l'intérieur du Markham Museum, le village historique du musée de Markham, et on leur a dit, justement, développer des projets à l'intérieur de ça, mais c'est littéralement à l'intérieur d'un village, pas d'un terrain vague, pas d'une ferme, pas d'un étage, mais donc à la grandeur d'un espace qui est beaucoup plus large. Mais et j'ai trouvé que c'était deux projets assez intéressants, assez ambitieux aussi, donc on peut avoir un peu plus de détails en allant lire les articles sur le blog. Raymond Poirier, merci. Ça me fait plaisir. Vendredi, la vie en BD? Oui, toujours. Et notamment, on va parler de Poulet Gringrin et de la place des femmes dans la bande dessinée. Poulet Gringrin, j'aime bien le titre. Voilà, on s'en va. En pause audio, on écoute Wet Bulbs and Clipped White. Au retour, on discute de la foire en art actuel de Québec. On est de retour à l'aérospatiale. Julie Gagné toujours avec vous, accompagnée de Jacques Gignac à la mise en onde. Et je disais en début d'émission, il y aura la première édition de la Foire en air actuel de Québec les 18, 19 et 20 octobre à l'œil de poisson. Et pour en parler avec nous, qui de mieux qu'une des co-organisatrices de l'événement, Gabrielle Bouchard, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Bien, ça fait grand plaisir hein, quand même. On peut pas passer sous silence un événement comme ça, une première édition de cette envergure-là quand même. Dis-moi, Gabrielle Bouchard, tu as travaillé avec Marie-Pierre April, avec Jeanne Couture et Fnoun Taha à monter cet événement-là. Oui. Comment l'idée vous est venue? Quand est-ce que c'est arrivé? Bref, peux-tu nous présenter un peu la genèse? Oui, certainement. Ben, ça date un peu de janvier dernier, environ. Ah donc, oui, OK. c'était vraiment de un constat sur le marché de l'art, sur le milieu de l'art à Québec, où est-ce qu'on se disait qu'il y avait un manque, qu'il y avait quelque chose qui manquait, puis c'était vraiment un événement qui mettait en avant la vente d'œuvres d'art. Et puis aussi, on trouvait qu'il y avait peu de liens entre les différents acteurs du milieu de l'art, autant les galeristes, les centres d'artistes, les collectionneurs, les artistes. On trouvait que c'était quand même assez scindé. Puis on voulait faire un événement vraiment qui rassemble tout ça, qui rassemble tous ces acteurs-là, puis qui mette de l'avant le travail des artistes pour, dans le fond, favoriser la diffusion là, de l'œuvre. Ben, des arts, de l'art actuel. Ouais, c'est ça, parce que de la diffusion, tu sais, il y a quand même, j'ai discuté avec quelques intervenants du milieu, puis on dit, il y a quand même beaucoup d'art actuel à Québec, considérant le format de la ville, mais en termes de vente. C'est très, ben, très peu. Il y a deux galeries, en fait, tu sais, il y avait jadis la galerie de Zara qui est malheureusement fermée, mais il y en a juste deux. Qui mettent de l'avant l'art actuel. Fait que vous remplissez vraiment un vide aussi là, à cet égard-là. Exact. Puis on a voulu aller chercher un partenariat avec ces galeries-là aussi. On voulait pas faire ça en marge des galeries. Puis on voulait, comme j'ai dit, là, faire quelque chose qui était unificateur dans le milieu. Puis, ben aussi d'aller du côté événementiel, parce qu'il y a rien en événement à Québec du côté de la vente de la vente d'art. Ouais, il y a les salons nouveaux genres, mais encore là, c'est plus fait main aussi. Exact, là, c'est pas du côté là. Art actuel, mettons, là. Comme, tu sais, Montréal a la Foire Papier, Toronto a la Art Fair, puis Québec avait rien de ce genre-là non plus. Puis l'idée de l'événement aussi, ça dure 3 jours, on s'entend, on se dépêche d'y aller, puis s'il y a de quoi, on l'achète tout de suite. Exact, là, exact. On va pas dire, ah ben là, peut-être, ou tu sais, là, favoriser un peu l'achat impulsif d'une certaine manière. On veut favoriser de faire un happening, puis en même temps d'avoir cette rencontre-là, de faire un événement où est-ce que le monde veut aller, mais tu peux repartir avec ce qu'il y a sur les murs, dans le fond. Puis, il y a 20 artistes qui seront présentés, principalement des artistes de Québec. Il y en a de Montréal aussi. Oui, oui. Le comité de sélection, est-ce que c'est vous quatre qui l'avez constitué ou c'est d'autres personnes? Mais en fait, nous, on a commencé par faire une présélection parce que on voulait surtout des artistes qui n'étaient pas représentés par des galeries. Donc, on a regardé un peu. On n'avait pas le temps d'aller en appel de candidature, tout ça, là. Donc, on a regardé, on a fouillé, en fait, beaucoup. Puis après ça, on a constitué un comité de sélection, un comité de pairs pour choisir les 20 artistes qui en ont résulté là. Et tu disais justement, vous avez cherché à mettre de l'avant des artistes qui sont pas représentés parce que eux ont moins l'opportunité exact. De vendre aussi là. Oui, oui, il y a moins de diffusion pour eux, c'est dur de rentrer dans les galeries, on le sait très bien là. Donc ils ont un événement qui leur est un peu dédié puis ils ont la chance de pouvoir vendre leurs œuvres à ce moment-là. Puis on est aussi principalement dans des artistes qu'on considérerait, je mets le conditionnel, plus comme étant de la relève. J'imagine qu'il y a cette idée aussi que c'est plus accessible. Mais on a voulu avoir une bonne balance du côté des artistes, honnêtement, on voulait avoir des artistes de la relève mais aussi des artistes établis qui ont décidé de pas être représentés ou qui ont un contrat avec une galerie, mais à Montréal, puis qui leur permettent de participer à des événements, tout ça. Donc, on voulait vraiment qu'il y ait un échange entre les artistes, puis que chacun puisse bénéficier du cercle des autres, puis de la popularité de un puis de l'autre. Ben oui, c'est ça, de créer un réseautage aussi, là, d'une certaine manière. On parlait tout à l'heure aussi, les galeries qui participent, il y a la galerie Michel Guimond, il y a la galerie La Certe, il y a la galerie de Montréal aussi. Pierre-François Ouellet, oui. C'est ça, je savais Ouellet, là, mais j'oubliais le nom. Vous vouliez justement les intégrer pour pas non plus vous poser en opposition, j'imagine. Non, absolument. C'était vraiment super important dès le début d'intégrer ces artistes, ces personnages-là du monde de l'art. Et puis, c'est ça, on a approché, c'était sûr qu'on voulait les deux galeries principales de Québec. Puis Pierre-François Ouellet, ça a été aussi hasardeux par une rencontre avec lui, tout ça. Il s'est intéressé au projet, il a voulu embarquer. Oui, donc pour j'imagine lui, la réaction a été bonne, les galeristes. Oui, vraiment, ils ont embarqué rapidement. On voulait avoir un de leurs artistes. Un, pas plus, hein, c'est non. ça? Pourquoi? Parce qu'on veut pas donner un aperçu de tout ce qu'il y a dans chacune des galeries. Nous, on allait par appel de dossier avec chaque artiste, donc c'était comme normal pour nous que chaque galerie ait la place pour un artiste. OK. Avoir plus d'œuvres d'un artiste, dans le fond. Là. Puis j'imagine les artistes ont répondu très, très favorablement à l'initiative. Oui. Hein? Oui, oui. Ben ça comble un manque qu'il y a. Puis ça rajoute quelque chose d'événementiel, de le fun qui va... on a hâte. Là. Il y a, eux autres aussi, ils ont pas mal hâte. Ça s'en vient, là, j'imagine, vous êtes pas mal dans un gros, gros préparatif. Le montage a commencé aujourd'hui. Ah ouais. Donc, c'est ça. Moi, j'ai fait le transport des œuvres Montréal-Québec hier. Donc, toutes les œuvres sont rendues à la galerie. Il nous reste l'installation, tout ça, là. Puis, tu parlais tout à l'heure d'événementiel. Il va y avoir deux vernissages, oui, dont un avec le président d'honneur. Vous avez demandé à Marc Bellemare d'être, oui, président d'honneur. J'imagine ça s'imposait. Totalement. Pour, on voulait aller chercher, de un, sa crédibilité, de deux, vu qu'il est président fondateur du Club des collectionneurs de Québec, pour nous, ça allait de soi, parce qu'il y a un bon réseau, puis il s'est vraiment fait une crédibilité, justement, au niveau de l'art, puis au niveau des acheteurs d'art aussi. Okay. Donc, c'est ça, il va être présent à notre premier vernissage le 16 octobre. Ça, c'est vraiment notre vernissage VIP. Les billets sont en vente au coût de 50$. Ça, tout le monde peut y accéder. Là, je pense, si on va sur le site fortartuel.com. Oui, exact. Simplement. Donc, 50$, là, c'est vraiment comme un pré-vernissage. Exact. Dans le fond, les œuvres vont être en vente en primeur à ce moment-là. Oh. Puis, après ça, le vendredi 18, là, c'est notre vernissage gratuit, le grand public, où est-ce que tout le monde est invité à venir rencontrer les artistes puis voir les œuvres. Et ça, c'est à l'œil de poisson. J'imagine, oui, que vous avez travaillé en concertation avec eux. Est-ce que la demande venait d'eux aussi, ou c'est vous qui avez approché l'œil? Nous, c'est fait de manière indépendante à l'œil de poisson. Ils nous ont offert les locaux. Donc, nous, c'est un excellent partenariat, parce que justement, on voulait diminuer le plus possible nos frais fixes. Ben ouais. On n'a pas à payer pour la location. Donc, ce sont vraiment des partenaires majeurs pour nous dans cette aventure-là. Puis, j'imagine que vous devez avoir hâte, là, pas mal, là, que ça commence. Ah là, oui, oui. Bien, on est dû, ça fait 8-9 mois qu'on travaille sur ça, chacun de notre bord. Avec la conférence de presse, il y a peut-être 2 semaines, au moins, on est devenu public. Au moins, là, on, ouais, pouvait plus en parler. On se faisait poser des questions, on voulait pas trop en parler, on voulait pas trop ébruiter la chose. Mais là, on est prêt, là. On est prêt à voir ça, à voir les œuvres sur les murs, à voir du monde dans les galeries pour qu'on ait aussi la vie de d'autres, là, que ce soit plus juste notre projet à nous quatre. Et tu parles de monde dans les galeries, ça m'amène à la question. En fait, avant de l'entrevue, on parlait des artistes, ils vont être là aussi. Là. Oui. C'est l'occasion de rencontrer les artistes, oui, et de, oui, parler, oui, avec eux, donc d'être plus au courant de leur démarche, de leurs, exact, aspirations. Mm-hmm. C'est important pour vous, j'imagine, pour Très important. Les gens puissent faire un choix éclairé. Oui, on veut qu'il y ait vraiment favoriser le lien entre l'artiste et puis l'acheteur, ou le potentiel acheteur, ou l'amateur d'art, en fait. Là. Puis c'est ça, ils vont tous être là. La très grande majorité au vernissage VIP, puis au vernissage grand public aussi. Puis on a mis l'accent aussi sur la médiation, ouais, donc on va avoir une équipe de médiation sur place pour, si jamais les personnes n'ont pas l'occasion de parler avec les artistes directement, on va avoir de l'information autant sur la démarche des artistes, mais aussi sur le marché de l'art. Pourquoi une œuvre ça vaut tel prix, comment ça marche aussi de ce côté-là. Parce que vous cherchez aussi à favoriser l'engouement pour la collection d'œuvres d'art. Oui, puis là, on sent que l'automne, là, c'est le temps, là, aussi, oui, avec le Cercle des collectionneurs de Québec qui lance ses activités. Oui, tout à fait. Puis, c'est ça, en fait, tu sais, notre thème, pas notre thème, mais notre sous-titre, c'est l'art au foyer. Oui, c'est ça, c'est à propos, hein. C'est vraiment ça, c'est de montrer que, oui, les œuvres, on peut les apprécier dans les galeries, on peut les apprécier dans les musées, mais il y a moyen de s'en acheter, il y a moyen de s'entourer d'art chez nous, sans débourser tant que ça des sommes astronomiques. Pour juste payer 15 000 $. Exact. Hein. Puis avec je crois que la brochette d'artistes qu'on a, on offre vraiment une brochette de prix aussi qui va avec. Là. Puis comme Raymond Poirier nous en parle régulièrement dans sa revue de presse à l'émission, l'art actuel, l'art contemporain, c'est un investissement. Mm-hmm. Là, ah, donc oui, c'est quelque chose qui va pas changer dans les prochaines années. Là. Encourager les artistes, c'est aussi faire un investissement. Oui. Dis-moi, Gabrielle, est-ce que vous êtes collectionneuse, les quatre? C'est un grand mot, collectionneuse. On veut avoir une collection, c'est certain. On commence tranquillement, pas vite, à s'acheter des œuvres. Je vous dirais que c'est assez difficile la foire, parce que on est les quatre bénévoles, puis on voit passer des œuvres vraiment magnifiques, puis on aimerait ça s'en réserver tout de suite, mais hein, ça peut pas être possible. On n'a pas le budget qui va avec, mais tranquillement, pas vite, on s'en achète une par... Moi, je m'en achète une par année, je mets de l'argent de côté à chaque paye que j'ai. Donc, c'est en processus, là. Donc, l'intérêt est là, c'est certain. Donc, c'est aussi par intérêt personnel que vous vous avez mis ça de l'avant. Je lisais dans les différents documents qui accompagnent le communiqué de presse, mm-hmm, que ce que vous mettez de l'avant aussi, c'est le fait que les artistes vont avoir plus d'argent, oui, pour les œuvres. Donc, si je comprends bien, c'est 80% du montant qui va aller aux artistes, contrairement à 50 % en galerie. Oui, c'est ça. En fait, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est diminuer le plus possible nos coûts fixes. Parce que c'est certain que pour une galerie, avoir les lieux, avoir les taxes du bâtiment, avoir tout ça, ben il faut que ce soit rentable, on s'entend. Sauf que nous, ben comme je disais tantôt, on est bénévole, on a les lieux gratuitement, donc on a voulu diminuer le plus possible nos coûts pour pouvoir redonner le plus possible à l'artiste, dans le fond. Donc c'est ça, il y a 80 % de la valeur marchande de leur œuvre qui va leur retourner automatiquement. Donc, on les encourage encore plus directement qu'en achetant, par exemple, dans un autre contexte. Mm-hmm. Ben, c'est ça, nous aussi, c'est la formule événementielle qui nous permet de faire ça. Ben, ouais. En terminant, vous avez monté un site Internet. Mm-hmm. Bon, on le disait tout à l'heure, foireartactuelle.com, il est pas mal complet, là, votre site, là, où tous les artistes sont présentés, une courte biographie, la démarche, mm-hmm. des œuvres. J'imagine aussi pour vous, ça devait être important que les gens puissent voir un peu qu'est-ce qui s'en venait, qu'ils oui. puissent déjà se faire une idée. Oui, tout à fait, là, pour pas arriver, qu'ils aient le temps de voir qu'est-ce qu'on va leur proposer aussi, voir nos partenaires, voir qu'est-ce que c'est, puis avoir une idée, ben c'est ça, de la démarche des artistes, ils viennent d'où, parce que des fois, dans le vif du sujet, on n'a pas tout le temps le temps de poser des questions, de s'intéresser à leur vie, tout ça. Donc, d'avoir leur démarche, leur bio, c'était vraiment important pour nous, là. Ouais, j'avais une question. Ah oui, c'est ça, les œuvres qui mm-hmm. sont sur le site, c'est pas nécessairement les œuvres qui pas sont nécessairement, en vente, là. C'est vraiment pour se donner une idée. Oui, ben, parce qu'en fait, il y en a qui viennent d'être terminées, là, les œuvres pour la foire. Il y en a certaines qu'on a vraiment des primeurs, des exclusivités des artistes, là. Donc, on pouvait pas mettre ça, on n'avait pas de photos avant hier, à peu près. Donc, c'est à ne pas manquer, finalement. Non, vraiment pas. Donc, on prépare nos portefeuilles, la foire, la première édition. On oui. souhaite un avenir de longue durée. J'imagine que vous le souhaitez, on souhaite vous aussi. On souhaite tous ardemment, oui. Donc, la première édition de la foire en art actuel aura lieu du 18 au 20 octobre à l'œil de poisson. Vernissage VIP le 16 octobre à 17h. Vous pouvez aller sur le site pour avoir plus d'informations. Et le vernissage, bon, ouvert à tous, entrée libre, aura lieu le 18 à 17h, comme on dit, à l'œil de poisson. Gabrielle Bouchard, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Donc, on se voit cette fin de semaine-là. On s'en va en pause audio. Au retour, on discute avec Jean-Tiane Lafrance. En pause, pardon. En 2013, CKRL a 40 ans. Merci de nous avoir témoigné tout au long de l'année votre grande fidélité. Maintenant que 2013 tire à sa fin, c'est à notre tour de vous gâter. Pendant tout le mois d'octobre, à chaque jour de semaine, soyez à l'écoute des matins éphémères et de Change de disque et courez la chance de gagner un prix. Plus de 40 cadeaux pour nos 40 ans. Est-ce que je peux gagner le 11 octobre? Oui! Le 3? Oui! Le 28? Oui! Le 19? Ben non, c'est un samedi. Le 31 octobre, parmi tous les gagnants du mois, un panier cadeau d'une valeur de 200 $ sera offert par la chocolaterie Héricault. Juste à temps pour l'Halloween. Un numéro à retenir, 418-640-1586. Soyez attentifs. Le concours est réservé aux membres de CKRL et à ceux qui souhaiteraient le devenir. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Lundi 14 octobre, 20h au Cercle, bleu contre orange, entrée libre. Les soirées de la Ligue québécoise d'impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun. La 23e édition du Symposium provincial des villages en couleurs de Lens-Saint-Jean et Petit-Saguenay se tiendra du 11 au 13 octobre sous la présidence d'honneur de M. Paul Giroux de Québec. Le symposium accueillera 44 artistes peintres et sculpteurs en provenance de tous les coins du Québec, ainsi que de la Belgique et du Nouveau-Brunswick. Les artistes travaillent sur place et vous pourrez les rencontrer et admirer leurs œuvres dans les deux salles d'exposition situées au Mont-Édouard de Lens-Saint-Jean et à l'Aréna de la Vallée de Petit-Saguenay. Le week-end de l'Action de grâce au Cercle, c'est plusieurs spectacles à ne pas manquer. Jeudi, commencez le party avec Artist of the Year en formule DJ set. Vendredi, ne manquez pas le retour très attendu de Bloodshot Bill et son rockabilly intense en formule groupe. Samedi, le groupe de l'or en émergence Forêt, deux fois nominé à la disque, partagera la scène avec Mauve en première partie. Billets en vente dès maintenant sur lepointdevente.com et à la porte du Cercle. La programmation artistique du Cercle, reconnue pour sa qualité, sa diversité et son avant-garde. La 23e édition des Rendez-vous Estrade du 10 au 14 octobre dans le quartier Petit-Champlain. Plus de 30 artistes du Vermont, du Massachusetts, du Québec et de Québec vous livreront une musique traditionnelle bien de son temps. Rêve du Diable, Jérémia McLean et David Surette serrent l'écoute Notorious et bien d'autres, sans oublier les nombreux ateliers, la joute chantée et la randonnée. Les rendez-vous Estrade, une vision contemporaine des traditions vivantes des cultures d'ici et d'ailleurs. Estrade.qc.ca. Bob Dylan. Bob Dylan, Richard Séguin, Emmylou Harris, Lucinda Williams, Folk d'Amérique. Avec podcast, Leonard Cohen, Lila Downs. Folk d'Amérique. Lisa Leblanc. Lightning Hopkins. Neil Young. Tous les mardis soirs à 18h30 sur les ondes de CKRL. La radio qui cultive ses racines. Avec Gilles Chaumel. On est de retour à l'aérospatiale pour cette deuxième et dernière demi-heure de l'émission. Encore une fois, Julie Gagné avec vous, accompagnée de Jacques Junac à la mise en onde. Avant d'entamer le tout, je vous invite à visiter notre site l'aérospatiale.wordpress.com pour trouver tout ce qui est relatif à l'émission, l'écouter en balado-diffusion, trouver les communiqués de presse et j'en passe. Vous pouvez également aimer la page de l'aérospatiale sur Facebook. On vous tient au courant des menus d'émission à chaque semaine. Cela étant dit, j'accueille pour la première fois en studio notre nouvelle collaboratrice, Jean-Tienne Lafrance. Bonjour. Bonsoir, Julie. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Dis-moi, Jean-Tienne, je t'ai mandaté, en fait, pour aller voir l'exposition La foi du collectionneur, donc une exposition rétrospective de Marc Séguin. C'est une exposition qui est présentée à la fois au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul et à la maison Amel Bruneau. Nous, on se concentre sur Québec. Oui, tout à fait. Donc, je suis allée voir l'exposition à la maison Amel Bruneau. C'est une exposition qui, comme tu le disais, se nomme La foi du collectionneur. Ça fait référence, en fait, à un livre parce que Marc Séguin écrit aussi, donc à son livre La foi du braconnier, et ça fait également référence à la démarche de la commissaire qui a réuni en fait des œuvres qui se trouvent dans 5 collections privées pour brosser, si on veut, un portrait de la carrière de Marc Séguin. La mise en exposition, si vous êtes déjà allé à la maison Amel Bruneau, c'est des petites pièces, donc et puis la mise en exposition, ouais, je dirais semi-thématique, semi-chronologique. Donc on entre dans une première pièce où il y a des premières œuvres, je dirais, donc une pratique qui va être plus de la fin des années 90 jusqu'à 2000, donc donc particulièrement une œuvre qui se nomme, excusez, j'ai pas noté les titres, je voudrais bien t'aider. Ouais. Moi je les ai notés. Donc l'inspiration est une lampe à l'huile, donc réalisé en 94. Donc on sent là beaucoup d'influence en fait des avant-gardes historiques. Donc on va aller ça va faire penser à du cubisme, à du futurisme. Donc toutes les avant-gardes historiques au niveau des arts visuels en Europe. Et puis les autres œuvres sont très sombres, de plus petit format, ouais. Je dirais, beaucoup de noir qui est utilisé. L'utilisation du noir et de toutes les nuances de gris très caractéristiques, ouais, de l'œuvre de Marc Séguin, puis on le voit dans l'exposition. Mais dans ces œuvres-là, moi, j'ai été fascinée quand même par la texture, par, oui, les empâtements, par une violence aussi dans le traitement de la matière. Oui, il y a un travail au niveau de l'empâtement chez Marc Séguin qu'on voit se définir dans ces œuvres-là, si on veut. Des petites œuvres, il y a souvent un motif de cercle au centre, un, ouais, motif de rond qui est cerné, qui est cerclé, qui est entouré de ces empattements, de ces où le pinceau va mélanger directement la couleur sur la toile, et puis donc très très sombre, comme je disais, et puis donc qu'est-ce que, oui, il y a aussi l'usage de goudron, ouais, donc qu'on retrouve également là tout au long de l'œuvre, donc une espèce de Il sculpte la peinture avec son pinceau. Et puis c'est étonnant parce que en fait quand on arrive dans la maison Amel Bruno, on est accueilli par une vidéo, donc un film qui a été réalisé sur Marc Séguin, Bullseye, donc qui a été tourné là, sur un an et qui le suit dans son quotidien entre New York et sa ferme au Québec. Et on le voit travailler à certains moments dans la vidéo. J'ai pas eu le temps d'écouter toute la vidéo, j'étais un petit peu serrée dans le temps. Ça demande un investissement quand même, ouais, de temps. J'ai fait des allers-retours et j'ai essayé le plus possible d'aller voir les prises de vue en studio lorsqu'il crée. Et puis, c'est très étonnant de voir la lenteur avec laquelle il manie son pinceau parce qu'on a l'impression qu'il y a une rage dans son geste quand on voit l'étoile. Il y a une violence, en fait, qui donne l'impression d'être très impulsive. Oui, alors qu'il manie le pinceau avec une lenteur, une finesse, une précision qui est vraiment magnifique à voir et qui est très contrasté avec le résultat que ça donne. En parlant de contraste, on voit dans cette exposition-là à quel point Marc Séguin travaille les contrastes de différentes manières dans son œuvre. Donc, je parlais de l'usage du noir, mais aussi du blanc. Il y a beaucoup de place pour la toile. Ouais. La toile qui est nue, qui est sans apprêt. Donc, il va travailler aussi avec une certaine profondeur, si on veut. Donc, il va laisser la toile boire, soit par des espèces de lavis de fusain ou avec une peinture à l'huile très diluée qui va se laisser boire par la toile sans apprêt. Et puis aussi, il va travailler au-delà de la surface, donc avec cet aspect de sculpture dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est assez intéressant de voir ce travail et cette maîtrise des matériaux. Ouais, parce que quand même, là, travailler sur une toile non apprêtée, là, ça implique une expertise. Oui, tout à fait. Et puis on voit toute l'expérimentation qui met aussi donc dans le travail. Donc il travaille principalement à l'huile, mais également des motifs au fusain et évidemment bon les fameuses cendres humaines qui ont fait couler beaucoup d'encre, donc qui ont un peu fait réagir autour de son œuvre. Je pense que je vais y revenir tout à l'heure. Mais donc ce travail au fusain va avoir un rendu très très photographique. Il utilise des photographies, il copie des photographies et il va y avoir un contraste avec ce résultat très réaliste et des taches abstraites d'empattement de peinture, souvent des couleurs primaires qui vont être soit utilisées pures ou mélangées directement sur la toile. Donc on arrive dans la deuxième pièce où on voit beaucoup ces procédés-là. Et puis la deuxième pièce, c'est plus une pièce une pièce hommage, je dirais. Donc, on y voit des autoportraits, des portraits d'artistes qui l'ont inspiré dans sa pratique. Donc, notamment Bordua et un magnifique portrait de Francis Bacon. Donc, on a ce visage de Francis Bacon qui est réalisé au fusain, donc avec une espèce de technique de lavis qui fait que le fusain est bu par la toile. Et puis, par-dessus, une épaisse couche de vernis. Ouais, de craquelé. Oui, qui l'a sorti à l'extérieur en plein hiver pour qu'elle craque. Et par-dessus, donc on a ces empattements de peinture bleue qui rendent la figure vraiment clownesque. Hein? Donc on a des carrés autour des yeux, on a une espèce de dentition graphique de dessiner sur sa bouche. Donc on a vraiment, on le transforme en clown si on veut. Et puis on a aussi, donc avec cette œuvre-là aussi, on a comme dans plusieurs œuvres un aperçu un peu de la chronologie de son travail en studio, en atelier. Donc, on peut voir qu'il travaille d'abord donc au fusain, ensuite qu'il appose des empattements par-dessus. Donc, il y a vraiment un aspect de temporalité aussi qui se retrouve dans ses œuvres. Au-delà de la matière, parlons des sujets, des thèmes oui, qui sont parce abordés, que c'est majeur, qui sont abordés par Marc Séguin. Donc, on a une place de la mort qui est très forte. C'est des sujets qui sont très sombres, inspirés de l'actualité, inspirés de l'histoire aussi, de l'imagerie colportée par les médias. Donc, c'est un peu à la Warhol, mais en moins drôle. Ouais. Quoi qu'il y ait beaucoup d'humour aussi dans l'œuvre de Marc Séguin. Mais il y a comme une menace sourde aussi. Oui. Moi, je trouve qu'il y a ça, là. C'est comme c'est en dessous, là, puis on le sent. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais de son travail méticuleux. J'associe ça aussi à cette menace sourde-là qui s'installe, là. Oui, en effet, quelque chose d'inquiétant. Il traite beaucoup de terrorisme, de dictature dans sa pratique. Il y a d'ailleurs deux portraits de sa série de les terroristes en robe, qui se retrouvent en fait dans la quatrième salle. Et puis, donc on a encore une fois un visage. On n'a que le visage qui flotte, si on veut, au-dessus d'une robe. Donc le visage en noir et blanc au fusain. Et puis cette robe qu'il fait porter à ce visage de terroriste avec des motifs fleuris. Très colorés, qui me font à moi une espèce de... c'est un peu comme s'il torturait symboliquement ce terroriste. C'est des terroristes qui ont été évidemment emprisonnés ou soit abattus par le gouvernement américain ou qui sont encore recherchés. Donc on a cette espèce d'aspect de violence qu'il fait aux terroristes qui pourrait se voir éventuellement revêtu d'une robe qui le rend un peu ridicule à son regard d'intégriste islamiste. Donc, il y a plusieurs niveaux de lecture. Et puis, on pourrait pas terminer la chronique sans parler de ces ruines, qui sont un peu plus récentes dans sa pratique. Donc, un très, très grand tableau, ruine numéro 4, je crois, qui se retrouve dans la dernière salle. Donc, de ces ruines qu'il réalise à partir, en fait, de cendres humaines. C'est la mère d'un de ses amis qui avait fait ce vœu-là de que ces cendres soient utilisées par Marc Séguin pour ses toiles. Et puis, il a découvert dans ce matériau-là un matériau gris, assez particulier quand même. Un gris, ce qu'on appelle... là, j'ai un blanc. Donc, en photographie, il y a le gris le plus neutre possible qu'on utilise. Et c'est exactement ce gris-là qu'ont les cendres humaines. Donc, il peut aller chercher des nuances et le rendu des nuances dans ces toiles de ruines qui vont rappeler les ruinistes du 18e siècle, du 19e siècle. Il s'inscrit beaucoup dans l'histoire de l'art aussi, dans sa pratique. Donc, c'est une nuance de gris et le rendu très, très réaliste est assez impressionnant. Donc, il y a des ruines d'églises, souvent de temples, donc qui font un peu comme un memento mori, hein, réflexion sur la désuétude des choses et la finitude de l'être humain. Donc c'est très j'avais quand même, faut le dire, des préjugés quant à la pratique de Marc Séguin parce que j'avais jamais vu ce qu'il faisait, j'avais seulement que lu dans les journaux et je me disais c'est peut-être un peu facile d'utiliser ce matériau-là, est-ce que c'est tellement chargé de sens que ça fait l'œuvre, mais en voyant ses œuvres, on voit que ça va au-delà de ça et que sa démarche va aussi avec cet usage-là. Il explique aussi dans la vidéo que le noir dans la peinture qu'il utilise est aussi fait de cendres d'animaux, donc ça fait sens. Donc ça vaut la peine d'avoir l'exposition. Oui, ça vaut la peine. Elle dure jusqu'au... Jusqu'au 14. Oui, 14 octobre. Donc c'est en fin de semaine, ça là? Oui. Ou la semaine prochaine, en tout cas je sais pas trop mes dates. Oui, c'est en fin de semaine, voilà. Ben, Jean-Tienne La France, merci beaucoup. Merci à toi, Julie. Donc, Marc Séguin, la foi du collectionneur à la maison, Amel Bruno. On fait une courte pause. Ozzy, on écoute Rim Trowy Green, The Secrets of the 45. Et au retour, on discute avec Alexandre Berthier. Mm-hmm. Donc cette semaine, en fait semaine plutôt, je suis allée faire un tour à l'établi pour voir un autre tremblement d'Alexandre Berthier. Il est là avec nous pour en parler. Bonjour. Oui, je dis bonjour. Bon, hein? Il commence presque à faire noir. Là, je suis plus trop certaine. Alexandre, un autre tremblement. Tu dis que c'est ta première exposition en solitaire. Oui, parce que j'ai travaillé pendant plus de 10 ans en duo. Ok. Et donc reprendre une pratique artistique en solitaire est un peu nouveau en fait pour moi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit que c'est ma première exposition solo en solitaire, parce que j'ai déjà eu des expositions solo mais en duo. C'est pas juste une tournure de phrase, mais quand même. Bon, pour ta première exposition solo, tu as travaillé en collectif aussi, puisque tu as demandé à des auteurs d'écrire des textes. En fait, peux-tu nous présenter l'exposition en premier lieu? Oui, ouais, il semblerait que je n'arrive pas à travailler seul en fait. Je me suis trop habitué à travailler à plusieurs. Pourquoi j'ai invité du monde? Ben, en fait, peut-être dans un premier temps, peux-tu nous présenter un peu ce qu'est un autre tremblement? Qu'est-ce qui t'a amené à ce projet-là? Alors, un autre tremblement, d'ailleurs, c'est le titre vient d'un extrait d'un des textes pour lequel j'ai fait commande, vient d'une réflexion sur la question du changement de société, en fait. Et comment chacun de nous, dans nos vies diverses et variées, on gère cette question-là. Soit on n'y pense pas du tout, soit on y pense tout le temps, avec toutes ces questions de voilà comment on fait tout chaque jour, dans les contradictions de nos gestes du quotidien, comment on gère cette question-là, puisque de toute façon, la société, bah, il faut qu'elle change, notre système capitaliste, j'en suis persuadé, court droit au mur, donc à un moment donné, on sait qu'il faut qu'on change des choses, on sait que... Il y a plein de choses qui vont pas, de l'ordre de l'écologie, etc., etc., politiquement, machin. Donc voilà, comment chacun de nous, on gère cette question-là. Et donc, plutôt que d'inventer moi-même plusieurs personnages, je me suis dit, bah non, je vais demander à des gens qui écrivent, et je vais leur faire une commande, vraiment de texte, pour l'installation, sur cette question-là. Donc, il y a des gens qui ont fait des textes très personnels, et d'autres qui ont inventé des personnages, par exemple, en fait. Et donc l'installation, c'est une vidéo très contemplative qui tourne en boucle et sur lesquelles... Elle dure combien de temps hein, au total la vidéo? La boucle dure 27 minutes. 27 minutes, ok. Et dans l'espace sont disséminées plusieurs voix en fait. Donc chaque haut-parleur est une voix différente de ses réflexions, pensées de diverses personnes, imaginaires ou réelles en fait. En gros, c'est ça. Puis, ce qu'on voit sur la vidéo, c'est comme un panorama avec des fenêtres de bâtiments, de jour, de nuit, comme en alternance. Il y a combien de bâtiments qui ont servi? Je ne m'en rappelle plus de tête parce qu'il y a, je sais plus, mais il y a au moins une vingtaine de façades, d'immeubles, en fait. Et effectivement, c'est un long panoramique, un tilt, en fait, ce qu'on appelle un panoramique vertical. Et c'est comme un mouvement infini, en fait, qui ne s'arrête jamais. Et on a l'impression de monter face à un immeuble. Et puis ça passe du jour à la nuit, donc il y a aussi le temps qui passe, etc. Donc effectivement, ça prête bien à l'écoute d'un texte parce que c'est lent, parce que c'est contemplatif, parce qu'on peut ne pas penser à ce qu'on regarde tant que ça, en fait. Et en même temps, comme effectivement ce sont des intérieurs, bah on pense aux gens qui habitent. Ouais. C'est ça, on peut associer un peu de ce qu'on entend à ce qu'on voit. Là, on a l'impression, en tout cas moi, une impression que j'ai eue aussi en écoutant, mais surtout en regardant, c'est de m'imaginer tous ces gens-là anonymes derrière leur fenêtre. J'imagine, est-ce que c'est un peu le point de départ aussi de ton projet, c'est-à-dire de passer puis de voir les fenêtres, les lumières allumées, de voir les intérieurs, de t'imaginer? Oui, bah forcément en fait. C'est-à-dire que je me suis dit, quand j'ai fait mon tournage, c'était intéressant parce que je me suis dit oh là là, on va me prendre la tête parce que je filme des fenêtres, etc. On va me traiter de voyeur, hein, qu'est-ce que vous faites? Mais en fait, pas du tout. Bon, ça c'est un point, mais en fait moi c'était pas tant regarder à l'intérieur en fait que justement de donner à imaginer, en fait, parce qu'on voit assez peu de gens au final, on voit vraiment que des fenêtres. Ben ouais, c'est ça. Il y a quelques apparitions, effectivement. Quand même une sobriété, là. Voilà. Donc, en fait, moi, mon but, c'était pas tant de filmer les gens, sinon, je m'y serais pris autrement. Ben ouais. Plus que de donner idée que ces gens existent, même si à travers ces fenêtres désertes, etc., etc. Donc, d'où l'association, effectivement, avec les textes et les pensées, en fait. Et ces bâtiments-là, ces façades-là, en fait, qu'est-ce qui t'a attiré vers les différentes façades? Est-ce que c'était, est-ce que ça t'inspirait un visuel quelconque? Je voulais vraiment des bâtiments, un peu vieillots entre guillemets, je voulais pas des habitations modernes. En fait, je pense que ça aurait eu un autre, effet, en fait, voilà. Donc, d'une part, j'avais du mal à tourner à Québec parce qu'il n'y a pas beaucoup d'immeubles hauts, en fait. Donc, j'ai fait tout à Montréal. Okay. Et je cherchais vraiment des bâtiments avec une facture, des années plutôt 70, 80. Un peu HLM, quel terme architectural. C'est pas que HLM, ouais. Mais oui, ça peut y faire penser. Mais en tout cas, des habitations modestes, quoi. Ça, c'était sûr que je voulais quelque chose de modeste, entre guillemets. Pourquoi, Parce que je pense que la majorité des gens qui subissent une société vraiment extrêmement capitaliste sont des gens qui sont plutôt modestes, quoi. C'est eux qui vont faire des emprunts s'endetter, qui vont. Il y a toute cette logique là finalement d'écraser les je vais pas forcément dire les plus faibles, mais les plus modestes, ou finalement ceux qui vont peut-être galérer le plus, c'est eux, parce que ils triment, on leur dit que ils vont travailler toute leur vie et que quand ils seront vieux, ils pourront profiter de leur argent, ce qui est, je trouve, une absurdité tellement grande, quoi, de ce système. Donc je pense qu'il y a un petit peu de ça, en fait, mais en même temps je dis ça sans l'avoir vraiment formulé dans ces c'est comme j'avais comme une intuition, en fait, de je voulais des immeubles de cette facture là quoi. Et pour revenir un peu au texte, donc t'as demandé à 6 personnes du milieu des arts, principalement, il me semble, d'écrire des textes. Peux-tu nous parler un peu de moments forts de ces textes-là, ou des choses que t'apprécies plus spécifiquement? Ce qui est intéressant, c'est selon ce que font les gens, il y a des textes vraiment très différents, parce qu'il y a effectivement, parmi les gens qui ont écrit, il y a des gens qui en font leur métier, vraiment, d'écrire. Ouais. Comme Nathalie Jean, qui est écrivaine. Mais il y a aussi des artistes visuels qui ont pas l'habitude d'écrire, mais dont je connais, en fait, la pensée. En fait, c'est que des gens avec qui j'ai eu des discussions sur ce sujet-là, en fait. OK. Ouais, vraiment. C'est ça, c'est ce qui t'a amené à leur demander à eux spécifiquement. Je savais que ces gens-là se prennent la tête sur ce sujet-là, en fait. J'aurais pas demandé à quelqu'un, en même temps, ça aurait pu être intéressant peut-être de demander à quelqu'un qui n'y pense pas, justement. Mais voilà. En fait, c'est parti aussi de, l'année dernière, j'ai fait parmi des groupes de gens que je connaissais, comme un appel à se réunir pour parler de ces changements-là, en fait. Donc, d'où ce choix de personnes-là, en fait. Et, les 6 personnes, je vais les nommer, même, parce qu'ils sont des intervenants majeurs. Valérie L'Italien, Nathalie Jean, Caroline Breton, Alain-Martin Richard, Alexis Desgagnés et Yannick Pouliot. Trois gars, trois filles. Catherine Breton, je connais une Caroline Breton, non, d'où c'est le... d'où l'erreur. Trois gars, trois filles, c'est volontaire aussi, non? Non, c'est un hasard. Ouais. Et c'est les textes, en fait, il y en a certains, je regardais, certains sont lus par leur auteur, j'ai cru reconnaître la voix d'Alain-Martin Richard, est-ce que je me trompe? Et d'autres sont lus par des comédiens ou d'autres personnes, c'est un choix de ceux qui ont écrit, en fait. Okay. Ceux qui ont écrit, qui m'ont dit « je veux lire mon texte », je leur ai laissé cette liberté-là. Puis il y en a d'autres qui me disent « non, je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui le lise », donc à ce moment-là, j'ai fait appel à des acteurs professionnels. Et pour toi, j'imagine, en terminant, ça devait être intéressant aussi, parce qu'il y a toute une part de ton installation qui t'appartenait pas, là. Tu demandes à des gens d'écrire un texte. Bon, tu avais discuté avec eux, j'imagine tu avais une idée un peu dans quel sens ça irait, mais est-ce que tu étais content, justement, de cette part d'imprévu-là? d'absence de contrôle, justement? Oui, forcément, sinon j'aurais tout contrôlé moi-même et j'aurais tout fait moi-même. Donc je pense que moi je reste persuadé que en tant qu'artiste, moi je peux pas rester dans mon coin seul, et je pense que si on veut que les choses changent, il faut se réunir à un moment donné. Donc c'est important, et je pense que justement la collaboration fait qu'on laisse aux autres, on laisse du loose, quoi, justement. Donc ça, c'est important pour moi en tout cas. Voilà, ben Alexandre Berthier, merci beaucoup. Mais merci à toi. Un autre tremblement est présenté à l'établi jusqu'au 26 octobre, donc ça vient tout juste de commencer. Exact. On attend, mais on y va quand même assez rapidement. Allez-y. On fait une courte pause audio, on écoute Soligrams from Heat Island sur les ondes de CKRL. C'est déjà l'heure de la fin de l'aérospatiale. En terminant, je vous invite à deux vernissages. Jeudi à 18h, c'est le vernissage de l'exposition Retour sur l'expérience et après de Alain Snyers au lieu. Et vendredi à 17h, c'est le vernissage de Maria Portolès et Yann Giguère à vue. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Je remercie Jacques Gignac pour son travail à la mise en onde des collaborateurs invités. Et ben, je vous laisse encore une fois avec Gilles Chaumel et sa super émission, super superbe. Bref, j'aime son émission Folk d'Amérique.